Elle avait sorti le bol ébréché, gravé à son nom, du vieux vaisselier. Un peu plus de 3 mois qu'il était resté là. Les particules de poussière s'étaient alors posées délicatement sur lui, jour après jour, nuit après nuit. C'étaient toujours les mêmes gestes, précis, inchangés, importants. Comme à chaque veille de retour, Adèle avait gardé les yeux ouverts, essayant inlassablement de chasser la nuit. Après des heures de lutte, l'obscurité avait fini par s'épuiser. Dehors, la brume caressait à présent l'horizon. Les vagues s'échouaient imperturbables près de l'embarcadère. Dans quelques heures, si la vie se montrait une nouvelle fois clémente, elle apercevrait ses voiles s'imposer sur l'océan. À cet instant, comme depuis plus de 50 ans, elle serait émue. Un mélange d'excitation et de soulagement offrant à son corps un court répit. 3 mois qu'il était parti, qu'il avait pris la mer comme on s'enfuit. Verlaine l'avait couché en verre, c'était dans l'absence que naissait l'enfer. Les nuits d'orage, les jours de tempête, les heures de silence s'amassant les unes sur les autres, formant bientôt un amas de douleur et de peur dans le ventre d'Adèle. Une incertitude insoutenable dans ce vacarme de vagues et d'écume, un mouvement continu qui ne cessait de battre, là où tout en elle voulait s'arrêter. C'était si difficile d'être celle qui reste. Aymeric avait cette passion, cette déraison, cette folie, cet amour inconditionnel pour la mère aussi. À 5 ans déjà, sur le petit banc près de l'église, il se rêvait pirate. Ses petits yeux brillaient en rêvant à de folles épopées. Et il gesticulait dans tous les sens, habité par une force qu'elle n'apercevait que dans son regard. La pointe du Bréa, la tempête de l'Ison et le mât du vieux Kirek qui se fracasse sur les remparts. Assise sur le banc, elle buvait ses paroles, vivait ses histoires. Lui l'orateur, elle l'auditoire. Allait savoir lequel des deux avait le plus envie d'y croire. Et les années avaient filé au rythme des saisons et des départs pour l'horizon. Les premières balades sur son optimiste. Le premier baiser sur la joue lorsqu'elle avait réussi son premier nœud en 8. Puis il y avait eu les départs en mer, les jours de pêche, les solitaires. Et la délice, ce double en miroir qui portait presque son nom et semblait lui voler la moitié de son propre corps lorsque l'appel de l'océan se faisait trop pressant. Un voilier de 60 pieds, à la voile bleutée, aux courbes élégantes, un monocoque qui avait toujours fière allure lorsqu'il franchissait le port de Saint-Brieuc. Elle l'avait su dès les premiers instants, de ses yeux d'enfant habillés d'un inné qui ne mentait jamais. Il n'y avait pas plus attachant qu'un être libre, et le regard d'Aymeric lui échapperait toujours un peu, perdu au loin entre vent et océan. Une nuit, alors que la tempête semblait lui dessiner une fin au milieu d'un néant à 1000 lieues de toute terre, retranché dans son voilier, il lui avait écrit. Des mots précipités qui portaient en eux ces sentiments que l'on tait, captifs de toute une vie. Adèle, mon Adèle, cette nuit la houle m'offre un spectacle proche du chaos. Une pensée est venue me saisir sur la dernière vague venue se briser sur la baume. Je ne sortirai peut-être pas indemne de ce dernier duel. Retranché dans la cellule, je te ramène alors à moi. Et l'idée déjà de ne plus apercevoir ta silhouette sur la dune de Saint-Jacques à mon retour me glace d'effroi. Si je ne franchis pas une nouvelle fois le port, une pensée et une seule me hantera. Celle de ne pas t'avoir confié ô combien ma folie semblait plus douce dans tes bras. Un vrai marin ne s'ancre pas. Mon père avait tort. Et si j'ai pris la mer année après année, c'était que j'avais l'image au fond du cœur d'une terre à laquelle me raccrocher. Adèle, mon Adèle! Le voilier roule et déjà dessale. Le mât plonge dans cette immensité, prêt à m'engloutir. je lutterai pour toi, ma terre, jusqu'au dernier souffle d'air qui résistera dans mes poumons. Le mot d'après restera inachevé. Emmerich avait franchi le port un mois plus tard, sur le dos d'une Adélis fracassée. Sur la dune de Saint-Jacques, à la vue du voilier, Adèle s'était mise à hurler. Les secondes d'après seront dépourvues de mots. Adèle serrera contre elle et jusqu'aux os l'existence tout entière de ce corps qui répond aux battements de son cœur comme aucun autre. La vie à cet instant-là exprimera alors ce qu'elle a de plus fort. Deux mois plus tard, Emmerich reprendra la mer. La raison ne retenait jamais très longtemps les êtres de passion.